Hallelujah. Hallelujah. In the Jewish wedding, when a young man discovers his bride-to-be, quand le jeune homme découvre celle qui va devenir sa femme, I remember in Israel, my Jewish friends, when they were wedding, je me souviens, mes amis juifs, quand ils se marient, he takes her to her parents. Il l'amène chez ses parents. There they drink from one glass of wine. Là, ils boivent d'un verre de vin. One glass they share. Ils partagent un verre. In front of the parents. Devant leurs parents. Alléluia. Alléluia. And then, et ensuite, the parents write a small scroll. Et ensuite, les parents écrivent un petit rouleau. As a covenant. En tant que alliance. That these two have agreed they will wait for each other. Que ces deux se sont mis d'accord qu'ils veulent s'attendre l'un l'autre. You understand? Vous comprenez? Now she will wait for me, I will wait for her. Maintenant, elle veut attendre sur moi, elle veut m'attendre, et moi je veux l'attendre. It's a covenant of faithfulness. C'est une alliance de fidélité. The man takes this written scroll to their father. L'homme apporte ce rouleau écrit à son père. And say, Father, I have discovered, I have found my bride. Et dit à son père, Père, j'ai trouvé, j'ai découvert mon épouse. And look, we drank even from one glass in front of our parents. Et regarde, on a même bu dans un verre devant ses parents. A sign of covenant. Le signe de l'alliance. Alléluia. Alléluia. And that is the covenant of the cup Jesus presented at Last Supper. Do you remember that? Et ça, c'est l'alliance de la coupe que le Seigneur a présentée au dernier souper. When he told the church, do this in remembrance of me, meaning, please wait for me. Quand il a dit à l'église, faites ceci en mémoire de moi, ce qui signifie, attendez-moi. Don't go to another man. Ne va pas vers un autre homme. Are we maturing today? Est-ce que vous êtes mature aujourd'hui? And that is a covenant of spiritual faithfulness. Ça, c'est l'alliance de la fidélité spirituelle. That the church ought to have maintained with Christ. Que l'église doit maintenir avec Christ. To have waited on Christ. D'avoir attendu Christ. You don't go back and find that the girl you wanted to marry started going to drink in the bars. Tu ne reviens pas et tu ne désires pas voir ta fiancée en train de boire dans des bars. She has your engagement ring. Elle a son anneau d'engagement. But she's just out moving with men. Alors elle sort pour se promener avec des hommes. In sexual sin. Dans des péchés sexuels. The church is guilty of sexual sin. L'église est coupable de péchés sexuels. Spiritual sexual sin. Des péchés sexuels spirituels. The church is guilty of unfaithfulness to the bridegroom. L'église est coupable d'infidélité envers l'époux. She went to the men of witchcraft. Elle va chez des hommes de sorcellerie. The men of the false prophets. Des hommes qui sont des faux prophètes. The men of deception and lies. The men of money. Des hommes de tromperie, de mensonges et de amour de l'argent. The men of the gospel of wealth transfer being preached on Global TV today. L'homme avec l'évangile des richesses transférées proche à la télévision globale aujourd'hui. That please Christians wait for a lot of wealth is going to come from the world to you. S'il vous plaît chrétiens, priez pour que beaucoup de richesses viennent du monde aujourd'hui. And yet that wealth will drift you away from Christ. Et maintenant cette richesse va vous conduire loin de Christ. That is common knowledge today that wealth drifts people away from the Lord. C'est une connaissance commune maintenant aujourd'hui que la richesse éloigne les gens du Seigneur. Makes men drunk. Qui fait que des gens commencent à boire. You know, pastors begin, Lord, I want to preach, I'm hungry, I'm fire. Vous savez, des pasteurs commencent, Seigneur, je désire prier, j'ai faim, j'ai le feu. The Lord sends a few people in his life. Le Seigneur envoie quelques personnes dans sa vie. Anoints him. Qui lui annoncent. He preaches with fire, more people come. Il prêche le feu et plus de personnes viennent. His basket of offerings grows. Son panier d'offrandes croît. Australia, tomorrow America, where Europe. Demain, une grande voiture. Demain, Amérique, Europe, Australie. After that, après cela, he now wants political power. Il veut maintenant un pouvoir politique. He wants to go to parliament. Il veut aller au Parlement. He's now quitting the very boss who raised him. Il est en train de quitter le vrai patron qui l'a élevé. He's going to another boss. Il s'en va à un autre patron. Because there is now more money and political power. Parce qu'il y a maintenant plus d'argent dans le pouvoir politique. Haven't we seen it in Kenya? N'avons-nous pas vu ça au Kenya? Didn't the Lord send me to rebuke it? Est-ce que le Seigneur ne m'a pas envoyé pour réprimander cela? So, when the Jewish young man goes to his father with the scroll, alors, quand le jeune homme juif va à son père avec son rouleau, the father says, wow, he reads, you've got your bride. That's very good. Le père dit, oh, tu as trouvé ta fiancée, c'est vraiment bien. Only the father knows the day of the wedding. Seul le père sait le jour du mariage. The mother does not know. La mère ne sait pas. The young man will never know. Le jeune homme ne va jamais savoir. But in the Jewish culture, mais dans la culture juive, that is the day that the father now begins to take the boy. C'est le jour où le père va prendre le garçon. In the evenings, you find the father walking out. No, let's leave. Let the, your mother and the rest at home prepare the dinner. Le soir, il va trouver son père dehors et il va lui dire, laisse ta mère préparer le dîner à l'intérieur. I want to walk with you. Can you accompany me? Let's walk through this road, no? Je désire marcher avec toi. Marchons, prenons cette route. The man begins to walk with his son during that time. Le père commence à marcher avec son fils pendant ce temps. Telling him, you know, you are soon going to be a mature man now. You're not a child anymore, you know. Lui disant, tu es un homme qui va bientôt être mature. Tu n'es plus un enfant. And you know, now you need to prepare a place for your bride, you know. Et maintenant, tu as besoin de préparer une place pour ta fiancée. You know, this land here, beginning from here. Tu sais, ce pays-là commence par ici. Yeah, I've always wanted to give to you this. Toujours désiré te donner ceci. Beginning from here, I've always kept it for you. Commençons par ici. J'ai toujours, je l'ai toujours gardé pour toi. Because I thought that if you could build yours on this side. Parce que je pensais que si tu pouvais bâtir la tienne à, dans ce côté. Since I'm here, and still we have enough room for the crop on this side. Tu penses, puisque je suis là, nous avons encore assez de place pour les plantations de ce côté. So this, I've always kept this for you in my heart. Alors pour cela, je l'ai toujours gardé pour toi dans mon cœur. This is the area I always wanted to give you. Ça c'est la place que j'ai toujours désiré te donner. So you can build here. Tu peux construire ici. So you also, with your wife, may have a place. Alors toi aussi, tu vas avoir une place avec ta femme. My son, I do not want to leave you in nobody's hands. Mon fils, je ne désire pas te laisser entre les mains de personne. That's why I took care of this. C'est pourquoi j'ai pris soin de cela. That's why I knew that such a time would arrive. Je savais que ce temps allait arriver. And the son would begin to build. Et le fils va commencer à construire. The son has changed his behavior now. Le fils a changé son caractère maintenant. He's building, he's preparing. Il est en train de construire, de préparer. The father is giving him tips, you know, my son, you know. Le Seigneur, le père lui donne des tuyaux, tu sais, mon fils. You always have to maintain, you know, the bedroom always belongs to the wife. Tu auras toujours à maintenir, la chambre à coucher appartient à la femme. You see that? Tu vois ça? Don't always quarrel, the kitchen belongs to your wife, don't always be there. Ne dispute pas, la cuisine appartient à l'épouse. Ne sois pas toujours là. He's training him to mature. Il l'entraîne à être mature. Preparing him for the bride. Le préparant pour l'épouse. The guests always belong to the wife. Les invités appartiennent toujours à l'épouse. She's the one always to take care of the guests. Don't get involved in those little things. You just be with the guests, you know. Elle est toujours celle qui prend soin des invités. Ne t'implique pas dans ces petites choses. Juste sois avec les invités. In the Jewish culture. Dans la culture juive. And I thought it was a joke when I was there. Et je pensais que c'était une plaisanterie quand j'étais là-bas. I did not know God was training me to talk to you people. Je ne savais pas que Dieu était en train de m'entraîner à vous parler, peuple. Nobody knows the day or the hour of the wedding. Personne ne sait le jour ou l'heure personne ne sait ni le jour ni l'heure du mariage. Even the year. L'année, même l'année. The Jewish man keeps it as a secret. L'homme juif le garde comme un secret. But the season of wedding is known. Mais la saison est connue. Everybody in Israel knows the wedding season. Tout le monde en Israël connaît la saison des mariages. When the new crop is being harvested. Quand la nouvelle récolte arrive. And the new wine is being brewed. Quand le nouveau vin devient bon. When the new wine is entering the wine jars. Quand le vin nouveau entre dans les jars à vin. The old wine is out, the new crop has come. Le vieux vin est fini, la nouvelle récolte vient. Has entered the barns. Entre dans les granges. Now the wine is new. Maintenant, le vin est nouveau. That is the season you begin to hear. Weddings are taking place. Ça, c'est la saison où vous commencez à entendre ya ya ya ya. Les mariages prennent place. In the village. Dans les villages. So the season is known by all. It is summer. It is harvest time. There is no rain. Alors la saison est connue de tous. C'est l'été. C'est la saison de la récolte. Quand il n'y a plus de pluie. But the wine is stronger, is newer. Mais le vin est plus fort, plus nouveau. Alléluia. Alléluia. That is the anointing of God. Ça c'est l'onction de Dieu. The last anointing, the power of the anointing. La dernière onction, le pouvoir de l'onction. Of such a time as this. D'un temps tel que celui-ci. Alléluia. Alléluia. The anointing is mighty at this time. L'onction est puissante à ce temps. Somebody, everybody can feel something has changed. Tout le monde peut savoir qu'il y a quelque chose de changé. The wine is too strong. People are operating under the influence of the new wine. Le vin est si fort. Les gens fonctionnent sous l'influence du vin nouveau. People are just happy. Les gens sont juste heureux. There is so much joy going on, no? Il y a tellement de joie. Brightness has come. La clarté est venue. The winter has gone. Voyez, l'été est l'hiver est parti. But before the wedding. Mais avant le mariage. The Jewish man, the husband. L'homme juif, l'époux. Always sends some people to the bride. Envoie toujours quelques personnes à l'épouse. To investigate her. Pour la contrôler. Lest we be related. De peur que nous soyons apparentés. We might bring a girl who is related to this boy. Nous pourrions amener une fille qui est en relation avec ce garçon. And that's abomination. Ça, c'est une abomination. Lest we find that this is actually a daughter to an aunt. De peur que nous découvrions que ce soit une fille d'une tante. This boy just went out there and found a girl. Ce garçon est juste sorti et a trouvé une fille. They go out there. Ils sortent là-bas. Now he sends somebody to spy. Maintenant, il envoie quelqu'un pour l'espionner. A few people, maybe one or two. Peu de gens, un ou deux. Find out the genealogy. Trouve la généalogie. Under which door does she come? Which clan? Sous quel clan est-ce qu'elle est née? Which tribe? De quelle tribu? Is it from Ephraim? Est-ce qu'elle est de la tribu d'Ephraïm? Benjamin? De Benjamin? Is it from Gad? De Gad? Est-ce que c'est de Gad? Get some details, you know. Prends quelques détails. Number two. Numéro deux. Find out. Trouve. Is that a woman worthy of entering this home? Est-ce que c'est une femme digne d'entrer dans cette maison? You understand? Vous comprenez? They are very particular of who is added to their homes. Ils sont très minutieux de savoir qui va être ajouté à leur chez-soi. So in a Jewish setting, you find them always exclusive in their own, you know? Dans le cadre juif, vous les trouvez toujours exclusifs dans ce qui leur appartient. In Nairobi, they maintain their synagogue there, you know? À Nairobi, ils maintiennent leur synagogue ici. It's a small Jewish community. C'est une petite communauté juive. Among other things, you want to find out whether she's worth coming to this home. Par-dessus toutes les autres choses, parmi toutes les autres choses, vous désirez trouver si elle est digne d'entrer dans cette maison. Find out. Trouvez. Has she been faithful out there to my son who is waiting faithfully here? Si elle a été fidèle dehors pendant que mon fils attend ici, fidèlement. And then the spy will find out, is she with somebody? Et ensuite, l'espion va trouver si elle est avec quelqu'un. You see that? Vous voyez ça? Then that day, you just cut it. Et ensuite, ce jour, oui, vous coupez, juste. If she has breached that contract of that wine they drank. Si elle a rompu ce contrat qu'ils ont fait en buvant du vin. The man will say, ah, my son, I'll find for you another. L'homme va dire, mon fils, je veux trouver pour toi quelqu'un d'autre. And then finally, et ensuite, finalement, when time is almost, the father now sends one messenger to visit the home. Et quand le temps est presque, le père envoie un messager pour visiter la maison. Now to come to the home, not to investigate out, to come to the home. Maintenant, de venir à la maison, non pour investiguer au dehors, de venir à la maison. Hey, where are you from? Where has the journey removed you from? D'où viens-tu? D'où ce voyage t'a-t-il déplacé? That's how they put it. C'est comme ça qu'ils le font. Where has the journey gotten you from? D'où viens-tu? Est-ce que le voyage était bon? Yes, I'm coming from far. Oui, je viens de très loin. From so and so's family. De telle ou telle famille. Isn't that close to the family where, you know, yes, they are the ones who have sent me. Alors ils disent, est-ce que c'est pas près de cette famille où, alors elle dit oui, ils m'ont envoyé. They say now things are going to get ready. Ils disent, maintenant les choses commencent à être prêtes. They feel like they are ready, you see that? Ils se sentent prêts. They are ready now. Ils sont prêts maintenant. So, they feel they wanted you people to prepare, you know. Alors ils sentent et alors ils veulent que vous, le peuple, vous prépariez. Because now they are ready for the wedding. Parce que maintenant ils sont prêts pour le mariage. Anytime it will happen now. Ça peut arriver à tout moment. You see that? Vous voyez ça? He sends a messenger. Il envoie un messager. That is Matthew 22. Ça c'est Matthieu 22. After my friends wedded, the day of the wedding came, paf, they wedded. Le jour du mariage arrive, paf, ils sont mariés. In the wedding, the peak of the wedding ceremony. Dans le mariage, le point culminant de la cérémonie du mariage. Is when they are dancing, and they crush a glass. Ils dansent, elles dansent, et ils cassent un verre. The man has to jump up holding the bride. L'homme doit sauter en tenant l'épouse. Jump up and crush, put a glass and crush a glass with his feet. Il saute et il casse un verre et il l'écrase avec ses pieds. That is what you see in 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 56. C'est ce que vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 50 à 56. In fact, that is almost verse 56. En fait, c'est presque le verset 56 lui-même, le verset 56. When he says, quand il dit, now death has been crushed. Maintenant, la mort a été vaincue. Your sting has been taken away. You'll never touch my bride again. Ton aiguillon a été enlevé. Tu vas plus jamais toucher ma fiancée. That is the symbolism that was happening. Ça c'est le symbole de ce qui a été fait. That's why I said our Lord came from the Jewish community. Ça c'est pourquoi j'ai dit le Seigneur vient d'une communauté juive. You like it or not? Que vous l'aimiez ou pas. But usually. Mais habituellement, after wedding is bride, they disappear. Quand le mariage est fait, ils disparaissent. And there's so much chaos there. Il y a tellement de chaos là-bas. Oh, who gave the PA system they want? A check for their money, cleaning up the homes, the drums, the water, the wine, everything. It's just confusion there. Oh, qui a donné la sonorisation? Ils désirent un chèque pour leur argent, nettoyer les maisons, les outres, le vin, toutes choses. Il y a confusion ici. But he has escaped. They normally go to Anatolia, to Europe, where for their honeymoon. Mais il s'est échappé. Ils vont normalement aux Antilles, en Europe, n'importe où pour leur lune de miel. With his bride. Avec son épouse. After he comes back. Après, il revient. I was so amazed. J'étais si étonné. Because I had gone to town, you know. Parce que j'ai été en ville. And that's the day he had come back. Et c'est le jour où il est revenu. They had come back the night before. Ils sont revenus le jour précédent. From Anatolia, my friend there, they went to Anatolia, Turkey. D'Anatolie, mon mon ami est allé en Anatolie, en Turquie. Au honeymoon. Pour voir les animaux. It was a Saturday. C'était un samedi. Because I was surprised, why is she still wearing the wedding gown? Parce que j'étais surpris. Oh, elle est encore en train de mettre son robe de mariée. She was still wearing the wedding gown, he's holding her hand. Elle avait encore sa robe de mariée, il la tenait par la main. Walking with her in the street. Marchant avec elle dans la rue. Brought her back to show the world his bride. La ramenant pour la montrer au monde. Finally showing the world his parading his bride. Look, my bride. Finalement, montrant au monde et paradant, disant, regarde, mon épouse. Look at how clean her gown. Regardez comme sa robe est propre. I was wondering, why is this woman still wearing the so white, so pure gown? Je m'étonnais de voir que cette épouse était encore en train de porter sa robe de noces tellement propre, si blanche, si pure. That is what Isaiah saw. C'est ce qu'Esaïe a vu. And close yourself for a little while. Enferme-toi pour un peu de temps. There is tempest here, confusion here. Il y a de la tempête ici, de la confusion. But then you will return with him. He is coming to show the world, look at my bride. Ensuite, vous allez revenir avec lui. Il viendra montrer au monde et dire, regarde mon épouse. Coming to Jerusalem. Venant à Jérusalem. 7 years. 7 ans. So that gown you prepare. Alors, c'est cette robe que vous préparez. It's very critical. C'est très important. It is eternal. C'est éternel. And that's why he said. C'est pourquoi il a dit. You cannot wait for rapture. You just have to get ready, light your lamp now. Vous ne pouvez pas attendre pour l'enlèvement. Vous devez préparer votre lampe maintenant. Because it's 1 minute to midnight. Parce que c'est 1 minute avant minuit. Why are you waiting? Pourquoi est-ce que vous attendez? You have been told to happen. Vous avez été enseigné que ça va arriver en un clin d'œil. Hey, you'd rather be ready today. Ça vaudrait mieux d'être prêt aujourd'hui. And make sure on a daily basis you're ready. Et soyez sûr que dans une base journalière, vous êtes prêt. If there is somebody flashing you an SMS, a lady. Quelqu'un vous envoyait un SMS, une femme. You know, the Holy Spirit can help you to discern that this is not clean, you know. Le Saint-Esprit peut vous aider à discerner que ça n'est pas propre. Things you delete out. Those are the things you delete out. Ces choses, vous les effacez. You prepare today and you repent. Vous préparez aujourd'hui et vous vous repentez. If there is a secretary in an office. S'il y a une secrétaire dans un office, dans un bureau. Not clean enough the way she is acting towards you. Qu'il soit pas assez propre dans la manière d'être autour de vous. He says, take a knife and remove that eye. Il dit, prends un couteau et enlève cet œil. You see that? Vous voyez ça? Take an axe and cut that arm. Prends une hache et coupe ce bras. You see that? Vous voyez ça? Do something radical for Christ. Faites quelque chose de radical pour Christ. He did something radical for you on the cross. Il a fait quelque chose de radical pour vous à la croix. You see? Vous voyez? You cannot sit there, okay, but the day of the rapture, see, I will do that, I'll prepare. Vous pouvez pas vous asseoir là et dire, oh bien, le jour de l'enlèvement, je veux faire ça et me préparer. What do you mean you'll prepare? Qu'est-ce que vous pensez? Vous vous préparerez? I want to show you that that day he comes to close the door. Je désire vous montrer que ce jour, il va fermer la porte. That's why every day, every country says. C'est pourquoi chaque jour, chaque contrée, il dit. On November 1st. Le 1er novembre. The Lord, he opened the door. Le Seigneur a ouvert la porte. And the glory came. Et la gloire est venue. Which means. Ce qui signifie. I looked back and I almost collapsed. I said, wow. Je regardais en arrière et je me suis presque effondré et j'ai dit, wow. Kumbe, he sent me across the nations. Il m'a envoyé à travers les nations. To announce that the door is open. Pour annoncer que la porte est ouverte. I was shocked when I discovered when he talked to me about the door. J'étais choqué quand j'ai découvert quand il m'a parlé à propos de la porte. I now understood. Now I could look back at all the tapes in every country, every place. J'ai compris maintenant. Maintenant, je peux regarder en arrière et à chaque enregistrement de toutes les régions, de toutes les places. I said, on November 1st, j'ai dit, le 1er novembre, he opened heaven. Il a ouvert les cieux. That is what he sent Noah to do. C'est ce qu'il a envoyé Noé faire. Tell them it's open now. Dis-leur que c'est ouvert maintenant. It is soon going to close. Très prochainement, ça va être fermé. The rapture day is the day for closing. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour de la fermeture. You cannot wait, I will prepare. Vous ne pouvez pas attendre et dire je vais me préparer. You prepare now. Il faut se préparer maintenant. Because he comes like a thief. Parce qu'il vient comme un voleur. Second coming, we know, after rapture, 7 years, you know? La seconde venue, on sait, après l'enlèvement. Listen to this. Écoutez ça. He says. Il dit. Verse 36, the book of Matthew 24, I'm finishing now. Le verset 36 de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, il dit. No one knows about the day or the hour, not even the angels in heaven, nor the Son of Man. 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme. But only the Father. Mais le Père seul. Verse 37. Verset 37. As it was in the days of Noah. Ce qui arriva du temps de Noé. So it will be at the coming of the Son of Man. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. For in the days before the flood, people were eating and drinking and marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them away. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Two men will be in the field, one will be taken and the other left. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Two women will be grinding with a handmill, one will be taken and the other left. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Therefore, keep watch. Did you hear that? Veillez donc. Vous entendez ça? Keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. That is the same watch he talks about in the Garden of Gethsemane. C'est la même veille qu'il a demandé au jardin de Gethsemane. In the Garden of Gethsemane. Dans le jardin de Gethsemane. He took the same three. Il a pris les trois, les mêmes trois. He had 12 apostles. Il avait 12 apôtres. There was the whole population around there. Parmi toute la population autour d'eux. But only 12 were drawn to him. Et seulement 12 ont été conduits à lui. You see that? Vous voyez ça? That means that 12 was really a remnant. Ça signifie que ces 12 étaient déjà un reste. Do you hear me? Vous m'entendez? Out of the whole population. Parmi toute la population. Only 12 were drawn to him, following him. Seuls ont été conduits, 12 ont été conduits à lui, l'ont suivi. But. Mais. Out of the 12, he pulled out only 3. De ces 12, il a pris seulement 3. That is the purification Zechariah saw. Ça c'est la purification que Zacharie a vue. That the remnant I will take pass through fire and now pull out my people. Que le restant va passer par le feu et maintenant les appeler mon peuple. The three. Les trois. Alléluia. Alléluia. Peter, John and James. Pierre, Jean et Jacques. When it was time to go to the mountain of transfiguration. Quand il était le temps d'aller à la montagne de la transfiguration. And reveal the Christ in him, the glory of Christ. Et de révéler le Christ en lui, le Christ glorieux. Do you hear me? Vous m'entendez? The dark hour had arrived. L'heure des ténèbres est arrivée. There is something called the circadian rhythm, the biological clock. La pendule biologique. God created man with a biological clock. Dieu a créé l'homme avec une pendule biologique. That's why every time it reaches night. Et c'est pourquoi à chaque soir, quand le soir arrive, quand la nuit arrive, you begin to doze. Vous commencez à vous assoupir. Become drowsy and sleepy. Devenir assoupi et ensommeillé. Alléluia. Alléluia. The biological clock God put in your life tells you at this time you must sleep. You see that? L'horloge biologique que Dieu a mis dans vos vies vous dit voilà, maintenant vous devez dormir. So you can replenish the cerebral spinal fluid, replenish the ATP synthesis, what build up, all that, you know? Alors, vous pouvez renouveler le liquide de la colonne vertébrale, ATP synthèse, accumuler tout ça. So tomorrow you are invigorated, ready to go. Alors, le lendemain, vous êtes revigoré et prêt pour aller. Every time. Chaque fois. The way God created that clock. La manière dont Dieu a créé cette pendule. So it is in the spirit. Alors, c'est la même chose dans l'esprit. That's what God warned them against at Gethsemane. C'est là contre que le Seigneur a lutté à Gethsemane. Be watchful. Soyez vigilants. Don't sleep. Ne dormez pas. Because you don't know when he comes. Parce que vous ne savez pas quand il vient. In Gethsemane, he said, "Be watchful that you may not be tempted." À Gethsemane, il disait, soyez vigilants pour que vous ne soyez pas tentés. But what was the temptation? Mais quelle était la tentation? Because his prayer in Gethsemane. Parce que sa prière à Gethsemane. Was that, Father, not my will, but your will. Était, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Because he said the flesh is weak. Parce qu'il a dit la chair est faible. But the spirit is willing. Mais l'esprit est bien disposé. That's the Holy Spirit that anointed him. C'est le Saint-Esprit qui l'oignait. And took him to the cross. Qu'il a amené à la croix. So in other words, he was telling the remnant church. En d'autres mots, il était en train de dire à l'église restante. Make sure you are watchful. Soyez sûr d'être vigilant. And in prayer. You see that? Et en prière. Vous voyez ça? Because say watchful and pray, he said. Parce que veillant et en prière, il dit. That you don't fall into temptation, which means. Tu ne tomberas pas dans la tentation. Et ce qui signifie. That the devil. Que le diable. Does not let your flesh overrule. Ne laisse pas la chair prendre le dessus. Let the will of the Father overrule. Laissez la volonté du Père vous dominer. You see what he said? Vous voyez ce qu'il a dit? And this is the hour for that to happen. C'est l'heure où ça va arriver. Listen to this. Écoutez ça. Right now. Juste maintenant. The spiritual clock. La pendule spirituelle. Is 11:59 p.m. Est à 23h59. And the darkness is thicker. Et les ténèbres sont épaisses. There is a tendency for the church to become drowsy. C'est une tendance à l'église de devenir assoupie. And sleep at this time. Et de dormir en ce moment. Like it is in the physical that God created. Comme c'est dans le physique que Dieu a créé. So it is in the spiritual of God. C'est la même chose dans l'esprit de Dieu. I know that your clock is telling you it is time to sleep. Je sais que votre pendule est en train de vous dire c'est le moment de dormir. You are so tired, but you're saying don't sleep at this time. Vous êtes si fatigué, mais il est en train de dire ne dormez pas en ce moment. Be watchful. Soyez vigilant. The midnight hour is near. L'heure de minuit est proche. But the darkness is gross. Mais les ténèbres sont épaisses. The church is asleep. L'église est endormie. And the devil came and sowed the seed of weed. Et le diable vient, est venu et a semé des graines de mauvaises herbes. Grass. Herbes. Inside the church. Homosexuality in the church. Dans l'église. Homosexuels dans l'église. She is numb to sin. Elle est insensible au péché. She cannot feel, oui, that was sin. She cannot feel that. Elle ne peut pas sentir, oh, ça c'est du péché. Elle ne peut pas sentir ça. It's just another news item. C'est juste un autre nouveau détail. Wow, California, wow. Oh, Californie, oh. She doesn't know that means calling on the wailing woman in America. Elle ne sait pas que ça signifie de faire un appel aux femmes pour qu'elles se lamentent en Amérique. To begin wailing. Qu'elles commencent des lamentations. Until all of them, their eyes are covered with wet, watery, full of tears. jusqu'à ce que toutes soient couvertes de larmes, qu'elles aient des yeux humides. And this is the time for the American woman to come out and cover her head with ashes and face. C'est le temps pour les femmes américaines de sortir et de couvrir leur tête de cendres et leur face. And wear the sackcloth. Et se vêtir de sac pour les pommes de terre. False prophecy in the church. Des fausses prophéties dans l'église. Isn't this the time for the woman to come out? Est-ce que ça n'est pas le temps pour les femmes de sortir? Isn't the darkness gross? Est-ce que les ténèbres sont assez épaisses? And this is the time when the spiritual biological clock. Et c'est le temps quand l'horloge biologique spirituelle is most likely to make the church go to sleep. Est le plus semblable à pousser les gens à aller dormir. So this is the time to wake up if you are the remnant. Alors c'est le temps de vous réveiller si vous êtes le restant. If you watch in Gethsemane, si vous regardez à Gethsemane, the way he rebuked them three times, did you see that? La manière dont il les a réprimandés trois fois. Very bitterly, was so angrily rebuking them. Avec amertume, il était en colère quand il les a réprimandés. You mean you could not just wait for me one more hour? Est-ce que vous ne pouvez même pas veiller pendant une heure? He is asking the church the same thing right now. Il est en train de dire à l'église la même chose juste maintenant. You have been Christian all this time with me. Vous avez été chrétien tout ce temps avec moi. You mean now, this dying moment. Vous pensez maintenant, en ce temps important, this most crucial time. Pendant ce temps le plus crucial, vous ne pouvez pas attendre pour moi juste une heure de plus avec moi. So I may come. Alors je peux venir. Be watchful for me. Soyez vigilant pour moi. Watch out for me. Watch for me. Guettez pour moi. Soyez attentif pour moi. Alléluia. Alléluia. And that's what he talks about here. Et c'est ce dont il est en train de parler ici. Be watchful. Soyez vigilant. Be watchful. Soyez vigilant. Don't sleep. Ne dormez pas.